manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Oh oui, viens avec moi. Attends, ça ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur à la maison. Nous sommes confinés à la maison et bien confinés à la maison. Et puis pour passer le temps, qu'est-ce que je vous propose? Une émission de Johnny de A à Z à la maison, bien entendu. Vu qu'on ne peut pas le faire ici, là-haut, sur cette station RIG90.7 de la bande FM et aussi sur le RIGFM.fr. On ne peut plus, nous sommes confinés à la maison. Donc pour le coup, pour compenser tout ça, ce manque, le manque de moi de vous présenter une émission, et puis aussi le manque de vous d'écouter cette émission, on le fait à la maison. Et c'est tous les lundis, mercredis, vendredi, à partir de 17h. Je suis très heureux de vous retrouver ici, chez moi, dans mon petit studio. Ben ouais, j'ai un peu de tout, hein, vous voyez, j'ai un micro et tout ça, j'ai un micro devant la bouche, j'ai des guitares, j'ai une télévision, ah, il y a un peu de tout, il y a des ordinateurs et partout. Oh là là là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vous ai concocté aujourd'hui? Bon, évidemment, je vous ai concocté du tipiak. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le tipiak? Tout simplement, ce sont des pirates. Et oui, ce sont des pirates. Allez, on a pris ça, on l'a mis sous le bras et puis on s'est barré avec. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Oh, on va retrouver Johnny Hallyday dans les années 60 et les années 70. Et deux extraits de 1981, extraits d'une émission télévisée que Johnny avait faite avec Dominique Lavagnon, par exemple. C'était l'émission Deux étrangers. Et puis, avant de commencer donc tous ces lives pirates, on va rendre trois hommages. Un premier hommage à Albert Uderzo, qui était le dessinateur de Les Chevaliers du Fiel. Et Johnny avait fait, du moins avait chanté, une chanson pour le générique du feuilleton télévisé. Voilà. Nous allons rendre hommage aussi à Kenny Rogers, qui nous a quittés cette semaine. Avec un titre que Johnny avait repris de lui, Sweet Music Man, autrement dit Revoilà ma solitude. Johnny avait repris également en 1984 I wish that I would heard this like this again, un truc comme ça, hein, je sais plus, j'aimerais encore pouvoir souffrir comme ça. Et c'était les deux extraits que Johnny avait repris uniquement de Kenny Rogers. Et aussi, nous rendrons un hommage aux soignants également, avec la chanson Drôle de métier, mais oui, aussi version tipiak, c'est là. Êtes-vous prêt pour commencer cette émission qui devait durer, en principe ça dure une heure, hein, mais ça dure toujours plus. Je ne sais pas me mesurer. On commence tout de suite avec un petit hommage à Albert Uderzo avec Les Chevaliers du Ciel. Bonne émission à toutes et à tous ici depuis la maison. Les Chevaliers du Ciel dans un puits de tonnerre. À deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Les chevaliers du ciel sont heureux de leur sort, et cherchant le soleil, de la mort. Si leur vie ressemble à un jeu, il est grave l'éclat de leurs yeux. L'avenir, à quoi bon le prévoir quand on ne pense qu'au prochain départ? Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel, parfois

présent, nous allons rendre hommage aux soignants qui s'occupent de tous ces malades et puis aussi en même temps, c'est une bonne question, tout simplement nous allons rendre hommage en leur diffusant une chanson de John Hallyday, Drôle de métier, et on va retrouver John Hallyday au Zénith, c'était lors de la dernière, le 2 février 1985. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. C'est-à-dire que les danseurs ou les techniciens ou les musiciens, je les soupçonne d'avoir préparé des plaisanteries. Comme vous avez pu voir en première partie, les danseurs en caleçon. Alors ce soir est un soir un peu spécial, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une dernière. Cette chanson, j'aimerais la chanter pour ma fille. En drôle de métier. Lundi 12h30, dehors il fait un froid de chien. Ma fille a pleuré cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains. Sur les vitres pleure la pluie. Il se sent ma tombe, un camion donne un coup de frein. Mon producteur, je serais presque reparti. Votre camion qui passe en mobilette. J'ai ton projeton, je veux bien péter par une bière. Mes yeux ne savent même plus mentir. Drôle de métier, drôle de métier. Oui, il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Ouais, drôle de métier, oui. Le moral et le cœur bien accrochés. Tiens, mon secrétaire s'est endormi entre deux mots. Tant mieux, plus besoin de parler. J'ai brouillé les masses, coupé le son de ma radio. J'aurais même plus besoin de parler. Et rouler le plus longtemps possible sans mettre mes lumières. La nuit ne me verra pas venir. Jetons pour jetons, mais je peux bien m'arrêter, voir une bière et voir des gens normaux sourire. Drôle de métier, ouais, drôle de métier. Y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accrochés dans ce métier. Oui, drôle de métier, oui. Oh, le moral et le cœur bien accrochés. Pas de prime de risque pour la déprime dans mon métier. Non, pas de cadeau, pas de tout dépense. Comme un cheval aveugle, c'est dans un terrain miné. Tu fais un faux pas, tu plonges. Drôle de métier, ouais, drôle de métier. Il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Ouais, drôle de métier, ouais, le moral et le cœur bien accroché. Ouais, drôle de métier. Ouais, drôle de métier, ouais, y'a des soirs où faut avoir le moral et le reste bien accroché dans ce métier. Quel mon métier, oui, le moral et le reste bien accroché. Sors un soir, sors un soir, c'est un drôle de métier, vous savez. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday à Marseille. C'était en septembre 1965 dans l'émission Provence Midi Variété. Émission qui datait du 5 mars 1966. Mais le concert du 65. Ouais. Voici tout de suite jusqu'à minuit. Et juste après, nous aurons Les Monts Près du Ciel. Et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Le lundi, mercredi, vendredi, à partir de 7h. C'est l'histoire d'un ami à moi qui était amoureux de la même fille que moi. Mais c'est moi qu'elle a aimé, je suis plus rien pour lui. Et le gars était très déçu et il a décidé d'aller vivre pour toujours sur une montagne qui s'appelle Les Monts Près du Ciel. Chanson, je veux vous entendre taper dans vos mains. Ah, beaucoup plus fort. Ah, la dernière fois que je suis venu en Marseille, ça tapait beaucoup plus fort que ça. Alors je veux vous entendre taper dans vos mains. Et je veux vous entendre. Yeah. Oh, comme ça. Ah. Je veux vous entendre. Encore une fois. Dans de la montagne, je regarde vers les hommes. Je me sens seul comme un chien connard. abandonne, la pluie coule en larmes sur le sol. Trop souvent je suis venu, mais trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand j'étais près d'elle, là-haut sur les monts près du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre, en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Oh, si tu pouvais être seul aussi, oh, si tu pouvais penser revenir ici. Et je chaque fois te revois plus belle, là-haut sur les monts près du ciel. Les monts près du ciel, les monts près du ciel, j'y ai tant souffert. On les appelle les monts près du ciel, pour moi c'est l'enfer. En bas dans la ville, les gens vivent, les gens s'aiment. Je vois une néglige et mon cœur se sème. Je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent caillent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul mon amour perdu, là-haut sur les monts près du ciel. Là-haut sur les monts près du ciel. Ouais, là-haut sur les monts près du ciel. Je viens d'aider à l'instant en 1965. On le retrouve maintenant à Port-Bacarès le 7 août 1970. Il interprétera deux chansons, J'ai peur, je t'aime et le titre Jésus-Christ. Vous écoutez Johnny de A à Z ici à la maison. En confinement, on est bien ensemble. Avant de continuer à chanter, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous voir. Je voudrais tellement que nous puissions si vous êtes comme moi, mais quand je me sens en confiance comme ce soir, c'est-à-dire quand je me retrouve avec des amis, j'ai envie de parler avec eux. Thank you.

guidon de la terre. J'ai peur aussi de vieillir. J'ai peur de l'hiver, il te ressemble tant. Je t'aime. Les pas qui résonnent dans une autre maison. J'ai peur d'entendre ton rire. Ton corps va souffrir. Je ne veux rien croire. Je t'aime. Je ne veux rien croire. Je ne veux rien croire. Johnny à Port-Bacarès avec « J'ai peur, je t'aime », il magnifiait tout dans ses concerts, Johnny. Pourtant, la chanson originale avait quelque peu d'intérêt, mais là, c'est splendide. On retrouve Johnny Hallyday, Port-Bacarès, toujours, Jésus-Christ. Et il enchaîne très vite les chansons, il va durer 1h15 environ sur la scène. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des cadavres. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est aimé. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il s'est battu à Chicago. Il a mené les filles au sein. Il est né à San Francisco. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est aimé. Ouais. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter au pays de vagabondage, au grand festival de Woodstock. C'est lui qui soignait les blessés. Ouais. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'il arrive à le coincer, notre ami en croix. Oui, Jésus, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est aimé. Oui, Jésus, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est aimé. Thank you. Ah, il y a eu une petite répétition. Eh ouais, ouais. De chansons. Vous écoutez l'émission Johnny de Bazed ici à partir de 7h sur Facebook Live. Oui, oui, oui, oui. À présent, nous partons du côté de Bruxelles. Nous sommes en 1974. Et voici un titre aussi que nous attendons enfin une version live officielle. Voici le titre Prends ma vie. Toujours Bruxelles en 1974. Vous écoutez l'émission Johnny de Haze. Parmi les indifférents. présent, nous allons du côté de Orléans retrouver Johnny Hallyday et avec deux titres, GPS sur la guitare et Johnny Rider. Vous écoutez l'émission Johnny de AZ qui officie en principe sur l'antenne de RIG, mais là, confinement, on le fait depuis la maison cette émission, le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 17h. Et aujourd'hui, je vous propose quelques titres live, non officiels, des tipiaques, comment on appelle ça, ici sur RIG. Voici tout de suite Johnny Rider. Johnny était toujours à Orléans en 1974. We'll be right back.

premier soir, qui me disait un jour tu seras mon musicien. Où es-tu, toi, la fille du square? Où es-tu, toi, qui croyais en moi quand je n'étais rien? On écrit souvent des chansons d'amour. Si je les chante, c'est que j'y crois toujours. Et quelquefois en rentrant, quand revient le jour, si parfois j'ai le cœur un peu trop lourd, mais pour la fille du premier soir, qui me disait un jour tu seras mon musicien. Où es-tu, toi, la fille de soir? Où es-tu, toi, qui croyais en moi quand je n'étais rien? C'est pour la fille du premier soir qui me disait un jour tu seras mon musicien. Où es-tu, toi, la fille du square? Où es-tu, toi, qui croyais en moi quand je n'étais rien? J'espère que tout va bien pour vous. Oh, on va un peu trop vite. On revient en arrière. Hop là, c'est du direct. Bienvenue sur l'antenne de RIG. Non, pas RIG, bienvenue à la maison dans l'émission Johnny de A à Z. Nous sommes toujours à Palavas-les-Flots en 1978, le 13 août exactement. Beaucoup de pistes que je peux vous poser au cours de ces émissions. Notamment, on a eu celle de Palavas-les-Flots, la vie du square. On en aura d'autres au fur et à mesure de ces émissions. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes ici, à la maison, tranquillement, confiné, et vous écoutez Johnny de A à Z. Yeah. sert pas de souvenir. Pas de rock'n'roll pour moi. Mériter ce nom, mais le doute et la folie marchent à tes côtés. Si vous parlez de ton aventure et de nos souvenirs, avec une voix qui grince comme un talon de l'étouffer, chaque mot est un morceau de parler à un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ce mur qui est une croix. Ça sert pas de souvenir. Pas de rock'n'roll pour moi. Pas de rock'n'roll. Pas de rock'n'roll. Pas de rock'n'roll pour moi. Moi qui je l'ai resté sûr pendant très longtemps, avec le sourire de la manche penchée sur les lèvres, bras croisés sur le cœur. De tout son sang, je tournais vers l'horizon, nous sortions les rêves, et me dire le rack dans son jeu de mort. Nous n'avons plus rien à me dire, je suis plus dur que tu ne crois, je ne sais pas de souvenir. Nous sommes à présent en 1978-79, la date n'est pas très précise, mais nous avons deux enregistrements qui sont plutôt bons. Nous avons le titre « Elle m'oublie », qui n'existe pas en version officielle, et nous avons aussi le titre en suivant, ce sera « Dommage ». Vous écoutez Johnny de A à Z, ici à la mise en confiné, on est bien ensemble. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blancs serrés dans un chignon mal fait, elle pense à Dieu, c'est quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Et moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tordant dans les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Bien sûr, elle arrive à Paris. Elle retrouve les rues, ses parents, ses amis. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Il y a un champ de blé à faner quelque part. Le tracteur est cassé, accompagner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal. Une chanson aussi qui prend toute son ampleur en concert. Voici le titre Dommage. Extrait de la même Hollywood. Dommage pour notre amour. Il s'est usé jour après jour. Allez, cette fois-ci, on quitte 1979 pour retourner donc à un concert que j'adore. Oui, tout à fait. Vous voyez ça, là? Ça, vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on entend derrière, là? Qu'est-ce que j'entends dans mes écouteurs? Mais c'est fils de personne. Extrait du concert de Reims, c'était le 10 mars 1980. Et vraiment encore un concert excellentissime. Derrière, c'est pas moi. Ça va? Vous êtes en forme? Eh bien, nous allons passer quelques moments ensemble. Ce soir, vous allez vous amuser. Car je crois bien que nous allons être tous en forme ce soir. Vous vous rappelez de ça? Hommage à mon ami Michel Prodares qui vit aux États-Unis. C'est une poupée qui fait non, non, non, de lui, il a toujours été mon meilleur ami, il est au-dessus de moi. Le soleil, je peux le regarder dans les yeux, comme tu regardes les étoiles dans la nuit, il est mon enfant, c'est mon Dieu. Le soleil, il m'a brûlé la peau, mais j'ai froid dans le cœur. Bye bye 1980, on arrive maintenant en 1981 dans l'émission Deux étrangers qui était diffusée sur Antenne 2. Pour moi, c'est le 13 juillet 1981. Qui existe en France, c'est mon ami Bill de Rem. On retrouve Johnny Hallyday en compagnie de Bill de Rem en duo hein, sur les titres La musique que j'aime et Il faut que je me tire ailleurs. Vous écoutez toujours Johnny de la Z ici à la maison sur Facebook. Et c'est gratuit. toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, il y a longtemps sur des guitares, le manoir lui donnait le jour, le manoir lui donnait le jour, pour chanter les peines et les espoirs, les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour, Dieu et puis l'amour. La musique viva, tant que viva la vie. Le bleu ça veut dire que je t'aime, ça veut dire que je t'aime. Tire ailleurs dans l'avion qu'il est pas. suis plus seul dans ce monde pourri. Avec ma petite, je peux même dire que ça baigne. Je suis sûr qu'on s'aimera toute la vie. Toute la vie. Ce côté-là, pas de malaise. Oh, ouais. Et quand même par moment, je le dis. Allez, allez, vas-y, Bill. Il faut que je me tire ailleurs. Il faut que je me tire ailleurs. C'est pas grave. Ma vie est toujours enfermée. Il faut que je tire ailleurs. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z. On se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Et merci encore à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir parlé, d'avoir écouté cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir le lundi, le mercredi et le vendredi écouter cette émission ici sur Facebook, l'émission Johnny de A à Z. Donc rendez-vous vendredi à partir de 17h. Ok, ça marche. Si vous êtes là, je serai là. À bientôt. Ciao, ciao.